Merci d'écouter la première. Voici Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Très jeune, quand j'ai lu Shakespeare, c'est le poids d'être de ces personnages. C'est le moindre personnage dans Shakespeare et d'une complexité, d'une richesse extraordinaire. À l'époque, par exemple, de Shakespeare, tous les rôles de femmes étaient joués par de jeunes adolescents. Les femmes n'avaient pas le droit de jouer sur scène, et ce sont des femmes de rois ou des filles de rois, des choses comme ça, qui ont réussi petit à petit à s'introduire presque en secret, en cachette dans les spectacles. Puis on a enfin admis un jour que les femmes pouvaient faire ce travail et que c'était aussi formidable. Cette semaine, un homme d'exception. Shakespeare donne-t-il une image négative des femmes à travers Lady Macbeth, à travers Catherine de... Ou au contraire, est-il un pré-féministe avant la lettre, puisque très souvent, dans les comédies, ce sont les femmes qui portent les valeurs de sacrifice, d'amour. Même si Shakespeare est un génie universel et a parlé très bien de tout, on ne peut pas nier qu'il a énormément parlé du droit. On a fait le compte sur les 36 pièces qu'il nous a laissées, qu'on lui attribue, une trentaine mettent en scène des procès. Shakespeare, sa vie, son œuvre... Aujourd'hui, le rêve secret de tout comédien, c'est de jouer Shakespeare. Quant à Shakespeare lui-même, mon hypothèse, en parcourant une dizaine de ses pièces dites historiques, c'est que Shakespeare s'attache à montrer les écarts parfois énormes entre la fonction mythique et la réalité humaine du roi. Le monde est un théâtre. Histoire vivante, cette semaine, Shakespeare. Aujourd'hui, entretien avec François Host, historien du droit. François Host, on se retrouve de nouveau dans votre bureau. Nous sommes ici à Bruxelles. Comment s'appelle le bâtiment ? Nous sommes dans l'université Saint-Louis à Bruxelles, qui est sise au numéro 43 du boulevard Jardin Botanique. Donc vous avez une vue sur les arbres du Jardin Botanique, dont certains ont été ramenés par Léopold II du Congo belge en 1908. Bon, nous ne ferons pas de commentaires sur la présence de ces arbres-là en mémoire du roi aux mains coupées, qu'on va laisser pour le moment dans sa tombe, et nous intéresser de nouveau à Shakespeare, dont on parlait hier, ici même dans votre bureau. Nous en étions restés à cette référence aux deux régimes pendant lesquels Shakespeare va écrire sa trentaine de pièces. Mais avant qu'on y vienne directement, et sachant que vous avez fait un ouvrage qui s'intitule « Shakespeare et la loi », je me suis demandé si des gens de théâtre, à la suite de votre ouvrage, metteur en scène ou comédien, vous avez donné quelques échos. Parce que, vous le dites vous-même, en langue française, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages concernant ça, alors qu'en Angleterre, c'est assez nourri. Est-ce que vous avez eu des échos de ça, de votre travail ? Non, Shakespeare lui-même, évidemment, ne cesse d'inspirer les hommes de théâtre. Il n'y a pas une ville au monde où il n'y a pas... Ça se joue partout. Elle se joue partout. Le temps, voilà. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu à Bruxelles une représentation du roi Lear... Ou comme ça se fait de plus en plus maintenant, on demande à des universitaires ou des critiques littéraires de faire une sorte d'introduction de la pièce, et j'ai eu le plaisir de effectivement de faire une introduction un peu plus théorique sur cette belle pièce de Shakespeare qui illustre d'ailleurs cette thèse des rois faibles qu'est mon fil conducteur. Alors, deux rois, je le disais, deux régimes pendant lesquels Shakespeare écrit. Présentez-les-nous, dites-nous également, François Host, si ces régimes-là sont dans une continuité ou bien s'ils connaissent l'un vis-à-vis de l'autre d'assez sensibles différences dont Shakespeare va pouvoir nourrir son théâtre. Continuité et différence. Je dirais le mouvement général allant d'Élisabeth Ière, donc fin du XVIe siècle, et Jacques Ier qui monte sur le trône à sa suite, il va réunir les deux couronnes d'Écosse et d'Angleterre. Le mouvement général, c'est une montée je ne veux pas employer des termes anachroniques, mais vers une sorte d'absolutisme. En tout cas, Jacques Ier, plus que Élisabeth Ier, va se réclamer de la doctrine du roi régnant de droit divin. Ce renforcement du pouvoir royal était déjà net chez Élisabeth, qui avait concentré plus de pouvoir, assumé sa fonction aussi de chef religieux de l'État, et surtout développé une administration et une police et une censure très vigilante. Mais Jacques Ier va renforcer encore ce mouvement, notamment en s'inspirant des doctrines françaises de la souveraineté de Jacques Bodin. Donc ce n'est pas Louis XIV, mais tout de même on sent là une montée qui va d'ailleurs connaître un coup d'arrêt extrêmement brutal, puisque quelques années plus tard, le souverain britannique allait être mis à mort par une révolution qui a un siècle d'avance sur la révolution française. Et un certain coup de hache. Voilà. Alors, Shakespeare est le témoin de ça, témoin de ces problèmes constitutionnels, principalement des problèmes de succession d'Élisabeth Ier, qui, comme vous savez, était célibataire et sans enfant, donc ce qui posait des problèmes constitutionnels considérables. Le tout, quand même, sur fond de guerre religieuse, pas entièrement calmée. En auteur qui sait manier l'ironie, peut-on dire que dans plusieurs de ses pièces, François Host, Shakespeare se moque de toute forme de construction juridique, on pourrait dire de toute forme de loi, sachant qu'elle seraient en quelque sorte des masques humains ou des masques dont l'humain recouvre son visage pour mieux se dissimuler. Est-ce que le fait même, en tant que juriste, donc connaissant le langage juridique quasiment comme praticien, mais l'appliquant au théâtre et se permettant dans le théâtre tous les écarts que le théâtre autorise, va jusqu'à, je vais évidemment mettre beaucoup de guillemets, ridiculiser le droit? Oui, je pense que vous touchez là quelque chose d'essentiel, qui est vraiment un fil rouge interprétatif de ces pièces, bien au-delà du droit d'ailleurs, qui est la dénonciation théâtralement efficace entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Du point de vue du droit, je peux vous en donner trois exemples qui me viennent à l'esprit à l'instant. Dans Le Marchand de Venise, on a une des plus belles tirades de la littérature en faveur de l'équité, du pardon. En anglais, c'est le terme « mercy », de miséricorde. Ce plaidoyer, on le trouve dans la bouche de Portia, qui est une imposture et qui conduit précisément à l'exploitation de Shylock. Donc, l'idée, l'appel à la miséricorde ou à l'équité est complètement détourné dans le contexte et le spectateur ne peut pas l'ignorer. L'autre exemple, dans la pièce Mesure pour mesure, où le dirigeant de la cité fait une application très stricte d'une règle qui vise à punir de mort la fornication, alors que lui-même finalement va succomber à la tentation qu'il stigmatise chez les autres. Et ça ressort dramatique de la pièce. Et là encore, évidemment, on a beau jeu de mettre le doigt sur cette contradiction, hein, que celui qui n'a jamais péché, etc. Et mon troisième exemple nous ramène aux questions politiques. Un des grands fils rouges des pièces politiques de Shakespeare, c'est la doctrine essentielle des deux corps du roi. Or, Shakespeare ne va pas cesser de la problématiser, cette doctrine apparemment édifiante, visant à légitimer, à justifier tout ce que fait le roi. Il ne va pas cesser de la problématiser, parfois même de la ridiculiser, en montrant souvent des rois qui ne sont pas, pour le dire en un mot, à la hauteur de cette fonction édifiante qui devrait être la leur. Alors, les deux corps du roi, c'est une expression qui va de soi dans les esprits de beaucoup, et notamment de gens qui ont étudié l'histoire. Néanmoins, il faut que vous nous fassiez un petit peu la traduction. Qu'est-ce que ça sous-entend, cette expression « les deux corps du roi » ? Au XXe siècle, c'est l'historien Cantor Hawkes qui nous a rappelé cette théorie, qui remonte en fait à la théologie médiévale en rapport avec les deux natures humaines et divines du Christ. L'idée appliquée à la chose politique étant que le roi, mais on pourra transposer plus tard très facilement en disant le président de la République, peut avoir la grippe, la fièvre, des boutons. voilà, à deux natures. Une nature naturelle comme vous et moi, donc il naît, il meurt, il peut commettre des erreurs, sombrer dans la folie, tomber malade. Il va voir sa maîtresse avec une mobilette ou que sais-je. Absolument, tous les avatars de la vie des êtres de chair et d'os. Tandis que le même personnage, dès lors qu'il est ceint la couronne royale, qu'il est ouin du Seigneur, qu'il a reçu l'onction royale, endosse en quelque sorte un autre costume bien plus grand qui est le corps mystique. Donc là, c'est le roi en tant que personnage presque surnaturel qui ne naît pas et ne meurt pas. C'est la formule, le roi ne meurt jamais, c'est la continuité dynastique. Et puis le roi qui est censé ne pas commettre d'erreur, ne pas être fou, malade, etc. Alors, on a pu croire que cette doctrine des deux corps du roi avait exclusivement une fonction légitimatrice, mettant le roi, à l'abri de toute espèce de reproche, puisque espèce d'impunité morale, vu la nature mystique de sa fonction. Le garde-fou. Il serait inimaginable qu'il puisse commettre une inconstitutionnalité ou que sais-je. Mais en réalité, dans l'histoire politique anglaise des contemporains de Shakespeare, on se rend compte qu'ils vont se servir très habilement de cette doctrine, au contraire, pour rappeler le droit à ses devoirs et pour dénoncer ses manquements. Quant à Shakespeare lui-même, mon hypothèse, en parcourant une dizaine de ses pièces dites historiques, mais y compris des pièces extrêmement célèbres comme Le Roi Lear ou Hamlet, ou encore Jules César, mais là c'est une version républicaine des deux corps du roi, mon hypothèse c'est que Shakespeare s'attache à montrer les écarts parfois énormes entre la fonction mythique et la réalité humaine du roi, avec des galeries de personnages très contrastées, comme Richard III, qui est un monstre. Bossu et difforme. Bossu, difforme, un monstre moral aussi. Donc, comment pourrait-il coïncider avec cette image idéale ? Richard II, qui accumule tellement d'avanies et d'exactions qu'il suscite une révolte populaire. Il est amené, enfin, on sent bien qu'il va devoir abdiquer, et alors il retrouve des accents extraordinaires pour se démettre lui-même, considérant que seul lui-même, en raison de sa fonction particulière, peut se démettre. Hamlet, c'est le roi hésitant. Le roi Lear, c'est le roi démissionnaire. Donc vous avez vraiment toute une panoplie de figures montrant que Shakespeare a vraiment joué avec cette théorie des deux corps du roi de toutes les façons pour en exploiter tous les ressorts dramatiques. Mais est-ce, François Host, selon vous, une manière de scier toute tentative de représentation de l'autorité de la part de Shakespeare ? C'est difficile de sonder les intentions de Shakespeare, mais je dirais d'abord, c'est du théâtre efficace, c'est du bon théâtre, ce qu'il cherchait à faire pour notre plus grand plaisir. Je pense aussi qu'il y a une leçon de sagesse politique qui est quelque part entre Machiavel et les doctrines théologiques, entre donc idéalisme et cynisme. Shakespeare est aussi au fond entre ces deux pôles. Un nuancier. Oui, au fond, reflète assez bien peut-être le point de vue de son public, un point de vue populaire de bon sens. Je ne crois pas qu'il n'est pas républicain, il ne cherche pas à dénoncer la fonction royale, ni même ses fastes, ni même ses figures et sa représentation, mais il est par contre très attentif à ses dévoiements, à ses excès, à ses abus, voilà. Ce qui est assez singulier, François Host, dans cette Angleterre shakespearienne, c'est que Shakespeare, même s'il est un peu, au sommet de son art, est aussi entouré, en son temps, d'autres auteurs, sans doute moindres au niveau de la connaissance que peut en avoir le grand public, moins célèbres, des gens comme Marlowe, comme Ben Jonson, mais qui eux aussi s'active dans le domaine de la dramaturgie politique. Comment comprendre cette force-là, cette vivacité-là, dans cette Angleterre-là ? Mais peut-être d'abord parce que les rois et les reines, à commencer par Élisabeth, étaient très préoccupés elles-mêmes de représentation politique, du spectacle qu'elle donnait, donc de façon finalement très moderne, l'image qu'elle donnait, et de façon plus concrète, très préoccupée de s'entourer de gens de théâtre. Et notamment, le sommet de la carrière de Shakespeare lui-même a été le fait qu'à un certain moment, Jacques Ier l'a adoubé en quelque sorte comme comédien de la cour. Il devenait, sa troupe et lui, les comédiens officiels de la cour, avec les responsabilités qui s'en suivent. Je rappelle aussi que Élisabeth Ier, par exemple, assistait assez régulièrement à des représentations théâtrales dans les fameuses Inn of Court dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a une sorte d'osmose entre le monde théâtral, qui serait peut-être l'équivalent de la télévision aujourd'hui, et des souverains très... Plutôt des séries télé, alors, vous dites. Peut-être des séries télé, mais je veux dire, la conscience des gens qui exercent le pouvoir de la nécessité de donner une image publique par les canaux de l'époque. Et je crois que le théâtre devait représenter ça. Quitte à ce que la reine soit mécontente, pardon de vous interrompre, mais parfois, oui. Elle le prend mal. Absolument, mais il y a de quoi... Il y a de quoi la reine fait censurer la dernière scène de Richard II, qui est la fameuse scène de position. Élisabeth aurait dit à l'ambassadeur d'Espagne, Richard II, c'est moi. Donc elle s'est sentie visée et elle a fait censurer cette scène. Les choses vont d'ailleurs beaucoup plus loin. Il y a eu quelques années plus tard la conjuration des sexes qui se préparait avec l'idée de jouer la pièce de Shakespeare, Richard II, montrant comment un mauvais souverain devait abdiquer la veille. Alors, la pièce est jouée, mais la conjuration échoue. Alors, je pense que Shakespeare a dû passer une très mauvaise nuit parce qu'il a certainement dû sentir le vent du boulet ou la corde du pendu. Je ne sais par quel miracle ou par quelle protection élevée il échappe. Il a aucun ennui. Il n'a pas d'ennui, mais bien entendu, la pièce ne sera rejouée qu'une seule fois. Mais là, donc, il a vraiment été très, très proche de sa fin pour avoir, au fond, prêté son théâtre à une manœuvre politique. Mais ça va dans le sens de votre question, ça montre bien combien le théâtre, qu'il soit édifiant ou critique, était une arme dans le combat et la représentation politique de l'époque. Vivante, suite de l'entretien avec François Host. Nous sommes ici à Bruxelles, François Host, et je vais vous poser peut-être une question sous forme de devinette. Connaissez-vous le point commun entre Shakespeare et Hergé? Ah, il y en a peut-être plusieurs, hein, mais j'en ai vu un, moi, en tout cas. Attendez, en tout cas, ce sont deux génies universels. Permettez aux Belges que je suis d'avoir une affinité particulière avec Hergé. On a dit de Shakespeare que c'était l'homme océan, et c'est vrai. C'est un certain Victor Hugo, d'ailleurs, qui l'a dit. Voilà, une bonne référence. Et Hergé, c'est la même chose. Je pense qu'il a accompagné son époque aussi, et il a... très grande justesse d'appréhension des situations, des personnages, des pays. Voilà. Donc, je vous mets sur la piste. Les alambics, les Dupont. Bonjour Tintin. Tiens, Dupont et Dupont, bonjour, comment allez-vous? Ça nous fait plaisir de vous revoir. Le thème du double. Le thème du double, exactement. Du jumeau. Mais vous avez raison, et justement, mes deux corps du roi. Alors, qu'est-ce que c'est que chez Shakespeare, comment ça se traduit? Et qu'est-ce que c'est que cette obsession-là? Qu'est-ce qu'un auteur, comme Shakespeare, vous-même écrivez, comment un auteur peut se nourrir de ça? Qu'est-ce que ça peut contenir? C'est très riche, hein, ça m'évoque immédiatement au moins deux choses. C'est la part d'ombre dont parlait Jung. Alors là, il faut que vous nous fassiez des piqûres de rappel, hein, parce qu'il y a des gens qui vont être largués. La part d'ombre, c'est tout simplement ce qu'on refoule en soi. Qui suis-je vraiment? Le thème du double, c'est l'occasion de se poser cette question-là. Le bon ange, le mauvais ange, bonne et mauvaise inspiration. C'est le thème aussi des frères ennemis. Vous évoquiez Shakespeare et les Dupont, mais je pourrais aussi rappeler Kafka. Dans l'angoisse kafkaïenne se traduit notamment dans énormément de textes, comme le procès par exemple, par des dédoublements. Au départ du procès, deux personnages viennent l'arrêter, à la fin deux personnages viennent l'exécuter, mais quand on lit bien le texte, on se rend compte que ce sont des projections de lui-même. Donc pour un auteur dramatique, le thème du double, de l'ombre, du frère ami ou ennemi, est justement l'occasion de mise en contraste, d'interrogation abyssale sur soi-même. C'est être ou ne pas être, ou être qui. Gros ce qu'on pourrait appeler la conscience, la bonne et la mauvaise. La bonne et la mauvaise conscience, absolument. Mais est-ce que c'est un indécrottable héritage judéo-chrétien que cela, et rien d'autre? Je ne crois pas. Je crois que quand Jung parle de la part d'ombre, là, on est dans les traditions. Deux fois que vous dites Jung, il y a des gens qui ne savent pas qui c'est. Alors présentez-le nous, ce Jung. Le grand humaniste suisse, disciple dissident de Freud, qui a élargi le freudisme à des archétypes culturels, et c'est bien pour ça que Jung élargit la thématique bien au-delà de la psychanalyse freudienne et peut-être de la culpabilité judéo-chrétienne à des invariants culturels qu'on retrouve dans d'autres cultures, voilà. Et Freud aussi a été fasciné par Shakespeare. Freud était un grand lecteur. Je n'ai plus en tête exactement les passages où il parle de Shakespeare, mais bon, il parle des tragédies grecques, forcément. C'est un des charmes de Shakespeare, malgré son scientisme, c'est son humanisme littéraire. Et au fond, comment comprendre, et vous le rappelez dans votre ouvrage François Host, Shakespeare et la loi, qu'il y ait chez Shakespeare, pour ou vis-à-vis de Shakespeare, la possibilité, alors évidemment théâtralement, de le tourner, le retourner, le mettre en scène et l'interpréter de mille et une manières, alors certaines étant évidemment plus heureuses que d'autres, de la même manière que on peut toujours, et ça se joue sur bien des endroits du monde, on peut venir, il y a une... C'est comme un millefeuille. Il y a toutes les couches possibles et imaginables, et selon que l'on veut, par ici ou par là, on peut tirer à U et à dire ce texte qui a une phénoménale élasticité et sait résister. Mais oui, Shakespeare est un auteur génial, notamment parce qu'il résiste à toutes ces mises en scène. Bon, là, je suis méchant ou ironique, et je pense que beaucoup de mises en scène font justice ou à Shakespeare dans la mesure où elles révèlent les dimensions millefeuilles dont vous parlez. Une des raisons pour lesquelles il résiste, c'est parce que le texte lui-même est extrêmement ambivalent jusque, et pour commencer, par son écriture. On a mille fois relevé que Shakespeare pouvait, dans la même tirade, joindre l'argot le plus vulgaire de son public cockney des bords de la Tamise. Vous savez que son théâtre du Globe était situé dans la rive gauche de la Tamise, malfamé au milieu des bordels et des montreurs d'ours, et puis d'autre part des répliques d'une poésie. Shakespeare est aussi l'auteur de sonnets d'un raffinement extraordinaire, et donc Shakespeare est parfaitement capable au même moment de s'adresser à plusieurs publics différents. Et c'est d'ailleurs une chose que j'ai remarqué pour la question de l'antisémitisme prétendu du Marchand de Venise, c'est qu'au fond, il peut servir à chacun de ces deux publics ce qu'il a envie d'entendre. Et donc, voilà, on peut généraliser, me semble-t-il, et voir que d'un pays à l'autre, d'une époque à l'autre, chacun y trouvera son compte, probablement parce que aussi Shakespeare atteint un certain nombre d'invariants humains avec les passions, la jalousie, la colère, l'ambition politique. Voilà, à partir du moment où vous travaillez sur ces invariants, et que vous avez une maîtrise de la langue, une souplesse extraordinaire, il n'est pas étonnant que ces pièces puissent répondre à des publics aussi variés. Mais on a dit de Chaplin qu'il avait cette capacité, et puis ceux de son temps également, avec le muet, de pouvoir atteindre à l'universel. Ce qui est d'autant plus troublant, c'est qu'avec des mots, et j'allais dire bien avant le muet, Shakespeare en fasse tout autant. Vous dites... La question qui est en face, ce sont les invariants. Mais les invariants, ça suppose que la planète entière est truffée d'invariants, quelles que soient les latitudes. Je n'oserais pas aller jusque-là, mais les passions dont il parle... Jalousie, colère, etc. Jalousie, colère, ambition, espoir aussi, amour. Une des pièces les plus délicieuses, c'est Le songe d'une nuit d'été, joue avec tellement d'allégresse, je dirais, sur les égarements amoureux, voilà. Mais, comme vous dites, il joue avec des mots. Là, on n'est pas dans le théâtre muet, il y a même des torrents, des tsunamis de mots, il y a une parole aussi qui a une force, et là aussi une force performative extraordinaire, et puis des raffinements aussi, comme dans Hamlet, le théâtre dans le théâtre, des mises en abîme, des jeux de miroir. Vous parliez du double, mais on pourrait retrouver ça aussi, le double sous la forme de sa propre image reflétée dans le miroir. Beaucoup d'exploitation du thème des deux corps du roi se joue théâtralement avec beaucoup d'efficacité lorsque le roi, comme Richard II par exemple, se regarde dans le miroir et que le miroir se brise ou ne se brise pas. Voilà. François Host, on va être obligé de clore cet entretien. On va se dire, trop court, on en aurait bien voulu encore un peu plus. Donnez-nous donc la référence de votre ouvrage dont nous avons parlé pendant tout ce temps, aujourd'hui et hier. Comment s'appelle-t-il et quel est l'éditeur ? Mais voilà, donc le livre s'appelle Shakespeare, la comédie de la loi, publié à Paris chez l'éditeur Michalon en 2012 dans l'excellente collection Le Bien Commun, dirigée par Antoine Garapon. Que nous avons déjà reçu, auditeurs fidèles, vous vous en souvenez, à de nombreuses reprises au micro d'Histoire Vivante. François Host, merci encore de nous avoir reçus dans votre bureau, ici là, à Bruxelles. À bientôt. Merci à vous et à bientôt, j'espère. Demain, suite et fin de cette thématique en compagnie du chercheur Thomas Bocon-Gibaud, auteur d'un article intitulé « La tragédie entre art et politique ». Thank you.